Croquis parisien. La lune plaquait ses teintes de zinc par angles obtus. Des bouts de fumée en forme de cinq sortaient drus et noirs des hauts toits pointus. Le ciel était gris. La bise pleurait ainsi qu'un basson. Au loin, un matou, frileux et discret, miaulait, d'étrange et grêle façon. Moi, j'allais, rêvant du divin Platon et de Phidias, et de Salamine et de Marathon, sous l'œil clignotant des bleus becs de gaz.